À présent, souvenir. Réalisé grâce au fonds d'aide à la création radiophonique de la communauté française de Belgique. La peur, il existe, on la sent dans toutes les personnes, surtout après les guerres qui ont eu lieu dans ce pays. Les gens ont peur de ceux qui peuvent tuer, peur de ceux qui peuvent violer. Vraiment, il y a tout le temps la peur. Il suffit de quelque chose qui est hors de l'ordinaire et on a déjà peur, on se rétracte. Émasculer l'adversaire, c'est vraiment la négation même de son identité masculine, c'est le symbole phallique, quoi. Le symbole phallique, c'est qui se source dans le pouvoir érectile et fécondant des génitoires masculines. Si vous les coupez à quelqu'un, ben, il est non plus rien. Et donc vous pouvez exhiber ou parfois le flanquer dans la bouche, comme les Allemands ou les Russes pendant la guerre se faisaient des choses pareilles. Cette mutilation est vraiment une marque extrêmement sadique et cruelle de négation de l'humanité de l'adversaire. Quoi. Et c'est comme si vraiment on l'avait tué deux fois. Quoi. Non seulement il est mort, mais on l'a tué dans l'image mal dans la virilité. Donc, si on coupe un type de ses racines, le type n'a plus de repères et donc il est prêt à faire n'importe quoi, bien entendu. Et avant, par l'organisation clanique, il y a quand même certaines choses qui pouvaient être évitées à tout prix. Donc il y avait des interdits totaux. Maintenant, tout ça a sauté et disparu. Il faut prier seulement pour nous, les gens de Nord Kivu, parce qu'il y a beaucoup de la guerre et on souffre beaucoup à cause de la guerre. C'est ça seulement. Oui, bon, il semble personnellement que le sentiment de la peur, c'est quelque chose d'assez naturel d'abord. On se dit que quand il y a un certain nombre de fêtes, quand on se retrouve devant telle situation, et on peut avoir peur, ce n'est que normal. Mais j'ai l'impression que généralement j'ai peur des choses que je ne maîtrise pas. J'ai peur lorsqu'il y a une sorte d'inconnu derrière un événement nouveau. J'ai aussi peur lorsque tel incident qui se présente nous rappelle d'autres incidents peut-être malheureux que j'ai connus dans le passé. Et aujourd'hui, peut-être dans le contexte, vraiment pour être plus précis, de notre sous-région, dans le contexte même de cette ville qui est à l'est de la République démocratique du Congo, on vient de sortir d'une période de guerre et la guerre est chargée d'un certain nombre de souvenirs assez douloureux, d'un certain nombre d'instants de panique. Alors il suffit d'un petit déclic pour qu'on commence à paniquer. Mais aussi la manière dont la peur aujourd'hui peut influencer mes propres décisions, ma propre vie, je dirais presque mes grandes options de vie, c'est qu'il y a des situations que je n'aimerais pas revivre. Ça devient une sorte de traumatisme. Et quand j'imagine que tel chemin que je vais prendre peut me faire revivre telle situation, j'évite de prendre ce chemin-là. Et là, il ne faut pas prendre le chemin de manière physique pour dire « voilà un sentier », mais il faut aussi prendre ça par rapport à un grand choix de vie, du genre « on me demande d'aller travailler dans telle contrée, reculer, d'aller travailler même ici en République démocratique du Congo. Si j'ai une mission qui m'oblige à aller dans la forêt, plus à fond, j'ai peur d'aller dans la forêt. Et peut-être que si j'ai le courage d'y aller parce que je suis motivé, peut-être par mon propre souci de faire ce travail, peut-être par la rémunération, mais dès que je vais arriver dans ce cadre-là, il va y avoir un certain nombre je dirais pas d'émotions. Il y a des éléments extérieurs qui vont venir, qui vont se créer en moi, et je vais connaître un moment de panique. C'est le silence imposé qui me pousse à vouloir tout dire. Le tabou qui me pousse à écrire. La trace du vécu qui reste. La cicatrice d'une impression, comme une multitude de sensations qui me poussent à parler. Le silence de deux générations sur un lieu commun de nos origines. Ma mère est née en 1954 à Lubumbashi, à l'époque nommée Elisabethville. Je n'accepte n'accepte pas que l'on m'ampute du souvenir que je n'ai jamais eu le loisir d'oublier. On ne choisit ni sa famille, ni le lieu de sa naissance. On ne choisit pas sa culture, son patrimoine culturel. On ne choisit pas son origine. Par le pays occidental où je vis et travaille, je suis forcément liée à un pays incroyable, inconnu et mystérieux. Lié par un ensemble de sentiments complexes, issus de la colonisation, de la décolonisation, de l'indépendance, de la dictature, de la démocratie et enfin de la guerre. De 6 millions de morts. 6 millions de morts. Plus de la moitié de la population belge. Et malgré leur nombre, pour les entendre, il faut vouloir les écouter. Bon, au cas de Mobutu, oui, ça nous a été difficile un peu, mais ça ne se ressemble pas de celle-ci, de celle que nous vivons. Puisque le cas de Mobutu, on ne voyait plus les cadavres. Mais pour le moment, voir un cadavre, vraiment, c'est un jeu. On tue les personnes comme on veut dans cette période que nous vivons. Pour dire que oui, ce n'est pas le gouvernement qui fait cela, mais c'est les Roland Kunda avec son groupe, ce sont eux qui font cela. Octobre 2007, région du Nord Kivu, République démocratique du Congo, région dite des Grands Lacs, Afrique de l'Est. La route était fermée depuis plusieurs semaines, entre Goma et Massissi. Peu de nouvelles des populations. Rencontre fortuite un soir, je pars le lendemain à l'aube avec un convoi armé de la MONUC, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. La route délimite les territoires occupés, à gauche par les FARDC, l'armée congolaise, à droite par les hommes de Kunda. Nous passons dans le calme, sans nous attarder. Casque et gilet pare-balles, sourd d'angoisse. Plusieurs localités sont désertées. La route est mauvaise, les camions sont lourds. Nous mettons 6 heures pour couvrir les 50 km jusqu'à Massissi. Après 2 mois de vie dans le Kivu, j'avais souvent croisé la crainte ou des traumatismes graves faisant suite à des terreurs profondes. Mais ce jour-là, nous partagions un sentiment de base, constitutif de notre lointaine nature animale, la peur. La peur réelle, qui vous met devant le fait accompli, qui vous met dans un état calme, alerte, attentif, prêt à agir. Un état simple et évident, comme l'est le danger. Simple et évident. Ce qui est traumatique, c'est ce qui laisse un sujet sans aucune défense, qui le prend complètement dépourvu, et qui souvent paralyse et la pensée, et même l'expression émotionnelle. Parfois même paralyse aussi le mouvement, on ne peut même pas fuir. Donc, il y a quelque chose d'inévitable, d'imprévisible qui vous tombe dessus et qui paralyse toutes vos ressources. Il ne peut ni faire face ni fuir, il est comme pur objet. Jeter comme ça aux mains de ceux qui sont la source du traumatisme, généralement si c'est des guerres ou des agressions ou des viols. Et alors ça laisse souvent dans un coin de la personne, de manière enquistée, comme ça, les traces de l'expérience traumatique, mais qui ne sont pas du tout en connexion avec le reste de la vie. Alors souvent ces gens ont l'air un peu d'être des gens perdus, des gens comme des zombies. Parce qu'une part d'eux-mêmes était profondément blessée, l'autre doit survivre, s'adapter, et souvent la face vivante, vécue, désirante a été tuée, et c'est la pure survie qui compte, l'adaptation. Et parfois pour survivre, il faut se taire, il faut pas remuer tout, essayer de retrouver. Arrivé à Massissi, aucun bruit, pas de moteur, pas d'industrie, pas d'électricité. un réseau de téléphonie mobile en fonction depuis quelques mois. La guerre n'empêche pas les multinationales de faire du commerce, au contraire. La population vit en autarcie pour la nourriture depuis trop de semaines. Un paysage montagneux a coupé le souffle, mais plus de pain, de tomates ou d'unités téléphoniques. Bientôt plus d'huile, ni de farine de manioc. À Massissi, on ne produit que du lait, du fromage et de la viande. Bon, demain, nous ne pouvons pas dire quelque chose à demain parce que le deviner, c'est très difficile. Mais ce que nous aussi, nous souhaitons du futur, on puisse au moins vivre en paix. Pas pour la guerre, mais en paix. Oui. Alors là, il y a une grande distinction qui peut être utile, c'est il y a l'angoisse qui est un état qui est d'abord physique, avec des transformations physiques respiratoires, le battement du cœur, de sueur froide, d'accélération du pouls, de toute une série de phénomènes comme ça physiques, et pour lequel c'est comme s'il y avait un état d'alerte, mais sans aucune représentation précise de ce qui est, de ce qui produit cela. Et donc, qui peuvent être des choses de stimulation purement interne, psychique interne, mais qui sont angoissantes. Alors, et ce qui nous aide, c'est lorsque cet état peut être rattaché à quelque chose de concret, un objet. Et alors, si on peut voir que c'est l'objet qui est source, penser que c'est l'objet qui est la source d'un état comme ça de panique, alors on peut prendre des dispositions correspondantes, soit attaquer l'objet ou supprimer la source de ce qui fait peur, de ce qui est, soit la fuir de manière correcte, l'éviter. Et donc la peur est quelque chose de beaucoup plus supportable que la pure anxiété, la pure angoisse, qui est une sorte d'attente, l'attente vague et imprécise, mais très imminente d'une négation, d'une catastrophe, d'une perte qui pourrait vous affecter. Mon enfance déjà était marquée par la peur, à la différence de beaucoup d'autres que tu rencontres en ville. Je passais une partie de ma vie à la campagne et là c'est presque tous les gosses qui ont peur de sortir le soir puisque vous craignez d'être mordu par un chien, de traverser une brousse puisque vous avez peur du serpent. Mais ça, ce sont des souvenirs que j'ai personnellement très très rapidement oubliés puisqu'ils s'effacent avec l'âge. Vous avez de plus en plus d'assurance que si vous êtes agressé par un chien, un serpent, vous pouvez vous en défaire. Mais les peurs les plus grandes et qui m'affectent encore d'une manière ou d'autre, c'est des moments de guerre qu'on a vécu ici, et ça, on ne s'est pas effacé très très facilement. Mais enfin, on essaie d'oublier, on essaie de s'organiser malgré tout. Quant à l'avenir, personnellement, j'y crois, mais je me dis que je ne peux pas rêver. Ce n'est pas de soi que les facteurs qui me font avoir peur de ça vont s'effacer. Moi-même, je dois personnellement donc m'impliquer pour que ces raisons disparaissent. Je rencontre les observateurs militaires de la MONUC. 4 hommes, un Suédois, un Kényan, un Uruguayen et un Italien. Ils sont volontaires pour cette mission. Ils vivent seuls, sans armes. Leur travail consiste à rencontrer régulièrement les différents intervenants du conflit, ainsi qu'à tenter de comprendre les événements et renseigner leur hiérarchie. Je me laisse guider par Andrew, le chef de mission. Nous allons à la rencontre des personnes déplacées, qui sont en train d'arriver et de se regrouper en construisant un camp à flanc de montagne. Les habitats de fortune sont des sortes de tentes ou de huttes, construites en branchages pour la structure, puis de feuillage pour le recouvrement. Le grand système des ONG pour les réfugiés n'est pas encore arrivé jusqu'ici. Pas de bâches en plastique blanc, au logo HCR, pas de dispensaire, pas de centre de distribution de vivres. Juste une communauté temporaire en formation, liée par un point commun, un sentiment partagé, la peur. Bon, je suis à Goma depuis les années 70. Bon, Mobutu était dictateur, mais la situation était bonne. Pour le moment, bon, Kabila il n'est pas dictateur, mais la situation n'est pas bonne puisqu'il y a chaque fois la guerre partout, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est la guerre, chaque fois la guerre, la guerre. Bon, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas si, maintenant on est là, on ne connaît pas différencier la démocratie et la dictature. On trouve que dans le régime dictatorial, il y a la sécurité plus que le régime démocratique. Bon, il y a ce qui nous amène à avoir la peur, c'est la guerre. Je n'ai pas connu, je n'ai pas vu quelqu'un qui est mort assassiné par balle. C'est après le régime dictatorial que j'ai vu un cadavre qu'on a assassiné par balle, un cadavre qu'on a assassiné par machette. Mais avant, on ne le faisait pas. On se pose la question, est-ce qu'on peut quitter sa maison et quitter la famille pour aller s'installer à l'étranger? Et quel étranger? À ce moment-là, il y a des problèmes. Quand on se pose les questions pareilles, on n'arrive pas à s'en sortir, mais on est au... On est là en train de se poser ces questions et on n'arrive pas à trouver la réponse. Andrew me parle de leur peur à eux. Quatre hommes sans armes, représentation directe du pouvoir occidental, en contact avec tous les intervenants du conflit. Andrew ne peut pas être enregistré, clause du contrat militaire de l'ONU. De plus, la mission volontaire d'observateur inclut une notion de neutralité absolue. Mais il me raconte sa peur, la première, quand il se rend sur le territoire contrôlé par les milices Mai Mai, et qu'ils attendent un responsable, entouré de jeunes ou enfants soldats, imbibés d'alcool, comme en témoignent leurs yeux rouges et injectés de sang, ricanant, la Kalachnikov dans une main, parfois une roquette qu'ils lancent en l'air et rattrapent de façon répétitive. Leur ennui et leur inoccupation font peur. Qu'est donc capable de faire un jeune pour passer le temps face à des symboles de dollars, de facilité, de pouvoir? This is where you started this morning from Goma, went on the very good road up to Sake. And you passed further up to Mushake, which is the in somewhere in between here. There is the line in between Nkunda forces and FRDC. And people have so fled, and these villages are almost empty now. They have left and fled towards this area, which is still quite safe. Masisi Lushubere. This area is now controlled by the Pareko and FDLR movement, and also the Mai Mai. Le second pôle de leur peur sont les révoltes de populations à leur encontre, provoquées en général par manipulation de l'information et désinformation des populations. Révoltes induites par les milices armées pour avoir accès aux vivres, pour gagner la confiance et pour avoir une plus grande liberté d'action et de circulation. Il y a bien un contingent armé de la MONUC à Masisi. Mais une fois dans le véhicule encerclé par la foule agressive, dans l'instant, les quatre observateurs ne peuvent l'appeler. C'est une situation de perte de repères, de sens. Et ce qui surgit, c'est simplement la peur. Simplement la peur. Cela fait 14 années que l'instabilité règne à Masisi. Lors de notre départ, certains notables demandent au chauffeur de ramener des lecteurs CD, une montre de luxe pour homme, un téléphone portable. Nous partons sans escorte, sans armes, sans protection, à l'aube. 2 kilomètres plus loin, nous voyons un attroupement. Nous nous renseignons, le bureau de police a été mitraillé pendant la nuit. Personne n'y était retenu prisonnier, il n'y a aucun blessé. On attribue le fait ou aux hommes de Kunda ou aux Mai Mai. Ça palabre, nous continuons. On s'arrête à Biamboué, village déserté depuis 2 semaines par ses quelques centaines d'habitants. Certains sont ceux que j'ai rencontrés à Masisi. D'autres ont fui vers les camps de Sake et Mukunga à proximité de Goma. Toutes les portes sont ouvertes, ou plutôt défoncées, de la même façon, du même coup de pied. Les restes de repas sont encore sur les tables, les vêtements étalés sur le sol. Ici, on sent encore l'odeur de la fuite, décidée dans l'heure. L'odeur de la peur au ventre, qui fait prendre les enfants et quitter son foyer. Abandonner le connu pour aller vers l'inconnu. Les vidanges sont encore dans les cafés, malgré leur valeur marchande. Mais les 2 pharmacies sont pillées, dévastées. Je ne vois pas d'impact de balle, pas de trace de lutte. Nous laissons le moteur allumé, prêt à démarrer. Je commence à me glisser entre deux habitations pour voir derrière. C'est le côté de la route contrôlé par Kunda. Je fais demi-tour. On ne sait jamais. Alors, les peurs. Ben, les peurs, justement, le but d'une société, par exemple des religions, ou alors des hommes politiques, c'est de désigner l'objet dangereux, l'objet qui menace, hein, et de proposer souvent en même temps les manières de s'y prendre avec, soit de manière au niveau de la croyance, au niveau de la, ce qu'on appelle nous les superstitions, au niveau d'une efficacité magique pour transformer l'objet, pour le détruire à distance, ou pour le priver de sa force. Et donc, dans la religion catholique, le danger, c'est le démon. Et donc, on peut prendre des précautions en priant les saints, en utilisant les sacrements, qui sont des moyens symboliques basés sur des croyances. On peut aussi, lorsqu'il s'agit d'un ennemi, ben on peut très bien, alors la peur de la menace, ben on prend des dispositions défensives, on s'arme, ou bien on s'en va. Mais les angoisses les plus terrifiantes sont celles où on n'a pas une représentation claire et on est livré à son pur déferlement imaginaire de toutes les destructions possibles. Donc c'est ça. Alors donc l'angoisse, c'est indéterminé et c'est très paralysant au niveau corporel. La peur, c'est généralement orienté, c'est puisque c'est fixé sur un objet. Et alors il y a des degrés quand même de la peur qui peut aller jusqu'à la peur qu'on ne peut pas du tout anticiper, hein, qui vous surprend, donc c'est la frayeur, on est effrayé, l'effroi, ça c'est le maximum, et c'est ce qui, l'effroi maximal, c'est ce qui est traumatique, puisqu'on est sans préparation et sans défense. Oui, l'état de conscience est modifié. On est comme hypnotisé, comme fasciné par la et on se laisserait massacrer. On ne sait même pas avoir un comportement ni de défense, ni de fuite. C'est vrai, la peur, personnellement, je la vis de différentes manières. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un sentiment qui provoque le fait qu'on ne sait pas comment on se réveille demain. Et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous ne savez pas si demain vous allez avoir la chance de les poursuivre. Et psychologiquement, ça déstabilise quand même, puisque vous planifiez quelque chose et vous ne savez pas si demain vous aurez la chance de la réaliser, puisque sa réalisation dépend beaucoup plus des facteurs qui ne sont pas personnels. Je veux dire, nous ne gérons pas le lendemain de notre environnement, nous ne gérons pas notre sécurité. Mais on s'efforce de se dépasser de plus en plus, puisque ça fait presque une dizaine d'années qu'on vit ces mêmes sentiments et on ne peut pas toujours attendre la certitude pour faire. Donc de plus en plus, personnellement, je me dépasse ou alors je m'en moque, je fais ce que je peux, je planifie ce que je peux et je tâche de les réaliser. Florence a été enlevée. Il y a 3 ans, il est resté dans la forêt un long moment avec ses ravisseurs. Florence est hospitalisée à Sauzelme depuis environ 3 mois. Florence ne va pas mieux. Elle ne pourra pas repartir de sitôt. Ils ne savent pas quoi faire pour elle. Florence a 40 ans. Elle est ici à l'hôpital avec 3 de ses enfants, 3 filles. La plus jeune, 3 ans, est née suite à un viol. Florence a perdu sa maman à 4 ans, son père à 15 ans. Et aime son mari. Ce qui la définit, selon elle, avant tout, c'est son honneur. Un seul mari et la fidélité jusqu'à la mort. Florence est très croyante. Florence n'est jamais allée à l'école. Son éducation s'est faite entièrement à l'église. Tant que Florence peut faire des enfants, elle est femme. Si elle ne peut plus, elle perd complètement son identité. La guerre arrive, Florence se fait enlever. Et quand elle revient au village, elle est enceinte. L'église et les sœurs disent « L'enfant est un cadeau de Dieu ». D'où qu'il vienne, le mari ne la rejette pas. Mais Florence refuse d'accepter l'infidélité. L'infidélité qu'elle a fait subir à son mari. Florence, pour elle-même, se sent détruite. Elle n'a plus son honneur, ce qui était son identité. On a beau la rassurer, on a beau lui dire, mais ce n'est pas vrai, on ne lui dit pas grand-chose. Au village, elle reste quand même une femme violée, malgré l'entraide. C'est 3 ans après, à l'église, qu'une sœur remarque qu'elle a l'air complètement ailleurs, qu'elle n'a pas l'air d'être présente. À la sortie de l'office, cette sœur s'adresse à Florence et lui demande si elle va bien. Florence répond oui, mais le regard fuyant. Florence ne sait plus regarder quelqu'un en face. La sœur veut en savoir plus. Elle lui demande quel chant on a chanté à l'église, quel était le sermon. Florence ne sait pas répondre. Et c'est cette sœur qui va nous amener Florence à l'hôpital. 3 ans après le traumatisme. Florence ne reçoit pas de traitement médicamenteux. Elle ne se plaint pas de douleur. Tout ce qu'elle demande, c'est de pouvoir travailler, subvenir aux besoins de sa famille. Mais surtout, surtout, elle demande qu'on l'aide à pouvoir accepter son mari, car elle ne supporte plus l'idée d'avoir des rapports sexuels. La dernière fois qu'il a essayé de la toucher, elle a vomi. Elle ne supporte plus et à la fois c'est tout ce qu'elle désire. Elle a besoin d'être une femme. Et la femme africaine ne peut être une femme sans pouvoir enfanter. C'est donc sa seule demande. Mais moi je vois Florence de l'extérieur. Florence est tellement pauvre qu'elle n'a pas de savon. Elle ne peut pas se laver. J'ai beau intervenir auprès de l'hôpital, il est hors de question de donner à Florence quelque chose que l'on ne donnera pas aux autres. J'ai beau expliquer que chez elle c'est thérapeutique, il a fallu que j'use d'un stratagème et qu'au cours d'une de nos consultations, je lui transmette un savon magique qui lui permettra de se soigner. Car si Florence ne reçoit aucun médicament, ce n'est pas pour ça qu'elle n'a besoin de rien. Le premier abord avec moi fut très difficile et il nous fallait un traducteur. J'ai dû changer de traducteur, trouver quelqu'un de confiance. Lors de la première consultation, au bout d'une demi-heure, quand enfin elle se met à parler et que je ne peux plus l'arrêter, elle se lève d'un coup. Elle se retourne et me montre toutes les cicatrices des coups de couteau qu'elle a reçus pour la forcer à ouvrir les jambes, alors qu'elle ne supportait pas et ne voulait pas et résistait au maximum contre son viol. J'ai peur que Florence meure. Dans une société où le suicide n'existe pas, il y a pourtant moyen que la psyché pousse le corps à mourir. C'est Florence qui me l'a appris. Au bout de 2 mois, je vois Florence faire des crises, de plus en plus souvent. Le moindre souvenir du traumatisme provoque une crise de catatonie grave. Elle descend à 2 de tension. Elle va lâcher. Elle est par terre, elle ne bouge plus, elle est blanche, elle devient froide. Elle n'a plus de force de vie en elle, et puis elle revient. Évidemment, mon travail n'y est pas pour rien. Nous approchons du traumatisme dans notre travail, et la douleur en est peut-être trop forte. Je ne suis pas sûre de ce que je fais avec elle. J'ai moi-même peur. J'ai peur pour elle. Les enfants dorment très mal, nous également, puisque nous avons une bâche de 3 mètres, je crois. Nous dormons comme des vaches. Depuis qu'on est ici, on peut dormir un peu. Mais quand on était encore là, on ne dormait pas. Bon, nous ne sommes pas sûrs de la sécurité d'ici, puisque le père s'infiltre tous les jours. Mais quand même, on essaie de dormir un peu. Bon, la fois, les années passées, on a eu peur en 97. Quand il y avait encore les rebelles, les gens venaient du Rwanda qui nous menaçaient, comme nous sommes aujourd'hui. Bon, après ce temps, on a été un peu calme, mais on n'a pas eu encore peur. Mais depuis l'avènement de Laurent Nkunda, on a toujours peur jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce jour, nous sommes ici, nous sommes sans aide, sans guide, nous ne savons pas où nous sommes. C'est pourquoi la peur continue à s'évoluer au lieu de diminuer. Bon, la croyance religieuse qui nous aide, c'est ce qui se trouve dans nos cœurs, pas à l'extérieur, puisqu'on n'a jamais été sûr de l'autre. On est sûr de soi-même et de son Dieu, mais les autres, non. Vous priez encore dans ces moments aussi? Oui, nous prions. Nous prions vraiment, celui qui ne prie pas, je ne sais pas ce qu'il pense, mais nous prions. Mais mon idée, c'est vraiment de dire, est-ce que, je parle de sentiment, vous pouvez me contredire, mais sentiment de peur ou comme un élément de construction de personnalité en tout cas, et d'identité aussi, est-ce que le fait qu'il soit partagé et qu'on puisse se rendre compte qu'on s'identifie par rapport à un élément commun avec son voisin, quel qu'il soit, est donc créateur de liens et donc pour un avenir en demeure, mais créateur ou constructeur. Ça dépend pas de ça, ça dépend de l'état de la personne. On est créateur ou créatif ou pas, si on est bien ou pas bien, je veux dire, c'est plutôt ça. C'est plus que la théorie. Hein. Les gens qui ont vécu une guerre et qui ont peur ne sont pas dans une peur quotidienne 24 heures sur 24. Hein. Comme tu dis, ils vivent aussi, hein, ils font leurs courses. Ils font ceci, ils font cela. Quand ils ont un peu leur vie quotidienne, ils ne sont pas complètement en frayeur non plus. Il y en a qui le sont. Il y en a qui sont complètement déconnectés de la réalité. Ceux-là, peut-être effectivement, relèvent beaucoup plus d'un système de soins socio-médical ou socio-psychiatrique, j'en sais rien, quoi. Mais la peur n'est pas un truc permanent. Hein. Non, mais elle fait probablement partie de ce système où on va vers la religion, où on va se structurer comme on peut, dans ce qui est des propositions autour de soi. Et quand on voit... Les milices aussi, on continue une guerre. Une guerre se continue parfois autrement. Elle s'organise autrement. C'est toujours la guerre. Vous pensez à quoi ? Et je pense à, notamment des milices qui se sont organisées après les guerres, pas toujours pendant les guerres. Puisqu'on va faire la prévention. Donc on va reformer des groupes qui sont censés protéger, alors on est parti dans autre chose, quoi. Et puis les milices vont se faire la guerre entre elles. Pour des raisons économiques. Ou de pouvoir. Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. Je ne suis pas spécialisée en géopolitique, je ne tenterai pas de vous expliquer le conflit. Cette expression régionale en parle bien mieux que moi. Mon travail au Kivu, si je suis la métaphore, fut d'essayer d'être jardinier dans un champ de bataille. Je passais le premier mois de mon séjour à Bukavu. Je commençais à nouer différents contacts, et au bout d'une semaine, je fus acceptée comme observatrice à Sozam, le centre de santé mentale du Sud Kivu. Sozam, c'est 75 lits et environ 300 patients externes pour un médecin généraliste muni d'une formation de quelques mois en psychiatrie suivie à Kinshasa. Ce centre est le seul lieu prodiguant des soins psychiatriques pour une région de plusieurs millions d'habitants, pour un conflit de plusieurs millions de morts, mais surtout pour une population dénombrant des millions de personnes ayant subi des traumatismes graves. Elle dit comme ça hein, qu'elle est maintenant contente parce qu'elle avait peur. Avant, elle avait peur. Elle s'est demandé comment est-ce qu'on peut se contacter avec d'autres gens. Parce qu'elle là-bas chez elle, à cause de ses malfaiteurs, elle ne se promenait même pas. Elle dit, elle remercie comment est-ce qu'elle peut avoir contact avec les autres ici comme ça. Et il remercie aussi l'hôpital qui les avait accueillis. Et maintenant, la peur commence à... Oui, oui. Sozam est un vrai hôpital africain. On y sent la vie. Pour moi, Muzungu fraîchement arrivée, c'est-à-dire européenne, c'est merveilleux et terrifiant à la fois. Chaque patient interne est accompagné de son garde malade, souvent un membre de la famille, qui partage le lit du patient, qui prend en charge sa surveillance et son assistance au quotidien. Certaines personnes sont accompagnées de leurs familles entières, femmes et enfants. Ce sont souvent les familles les plus pauvres ou isolées socialement. Sozam fournit une nourriture de base, composée de bouillie de maïs le matin et de haricots rouges et farine de manioc midi et soir. Les familles doivent pourvoir au complément des repas. Le séjour à Sozam coûte 75$ pour les plus démunis, que l'internement dure quelques jours ou le maximum, 3 mois. La durée moyenne est de 3 semaines. L'enceinte de l'hôpital est ouverte durant la journée, ce qui est enfin un lieu de passage où visiteurs et malades entrent et sortent librement. Les patients sont encadrés par 4 infirmiers qui prodiguent les soins, une assistante sociale et surtout par Mama Cheften qui gère toute l'intendance de l'infrastructure. Beaucoup de patients reçoivent des traitements médicamenteux lourds. Et malgré l'usage de correcteurs, l'aspect zombiaque de certains peut choquer. C'est la mobilité, la capacité à s'exprimer et les aptitudes sociales de base qui en souffrent. Des regards absents, des mains saisissant l'air, l'écume aux lèvres, et comme une démarche hachée ou robotique. Ta terre en s'est mais vite. À chaque fois, t'as nana. Makati oyon lizali yo. Makati sur lequel on a commencé. Sur quoi on a bitu bien balé balé bien kutisha. C'est vile. Tu as ramené vite na makati yenyi mauvuto ali kwa kukiti. Bato va kwa na boga ya ifi. Kwa na mani. Eh. Sasa na sema sasa. Mwai hali yetu kona yo ya baba. I vita yenyi riku. Elle dit comme ça. Elle préférait le période de mauvuto. Elle n'avait pas de peur parce que elle passait librement. Il n'y avait pas des gens qui les suivaient comme dans cet état-là. Elle dit qu'elle souhaite que cette guerre finisse parce qu'elles ne sont pas libres. Elles ont toujours peur de ce qui se passe chaque fois. Elle dit que même dans la forêt, pour le moment, leurs enfants commencent à accoucher même dans la forêt parce qu'ils ne sont pas libres. Ça les marque fort. Sozam est un village au cœur d'un quartier, sur les hauteurs de la ville, surplombant le lac Kivu. L'horizon y est tellement lointain qu'on devine les pluies des moussons arriver plusieurs heures à l'avance. Sozam est un village où la cloche de la cantine rythme la journée de 150 personnes. Sozam, où l'office catholique est quotidien. Sozam, dirigé et tenu par les Frères de la Charité, congrégation belge et héritage colonial. Sozam est un village où l'on rencontre des familles et des clans, des problèmes avec l'autorité, une organisation communautaire. Sozam, où certains mangent de la viande et d'autres pas, où certains ont des gardes malades et d'autres pas, où certains peuvent se laver avec du savon et d'autres pas. Sozam, où les patients agressifs en crise sont attachés en isolement, après avoir reçu ce qu'on y appelle un cocktail, camisole chimique bien entendu. Sozam, où les consultations de suivi se font juste à côté, avec leurs cris, déchirants parfois. Elle dit qu'elle souhaite que ces choses ne se répètent plus. Elle dit ça deux fois. Que ces choses qui se passent pour le moment ne se répètent plus. Et ce qu'elle préfère. C'est à santé. Le docteur Eric offre 10 à 20 minutes d'écoute aux nouveaux patients, exceptionnellement plus, mais ne peut en moyenne n'offrir que 5 minutes par semaine par patient interne ou externe. Assez vite, ma présence à ses côtés donne le prétexte aux patients pour venir me parler de leurs difficultés. On m'appelle souvent docteur Caroline. J'ai beau dire, j'ai beau faire, je me retrouve rapidement devant l'impossibilité de ne pas me rendre utile. Certains cas graves de syndrome post-traumatique ou de schizophrénie hallucinatoire, difficile à diagnostiquer, demandent plus de temps d'écoute, comme d'attention humaine et professionnelle. Je suis propulsée comme thérapeute de terrain, dans l'urgence, et accepte de travailler en rendez-vous individuel sans la présence des gardes-malades, ce qui est une première. Faire confiance au malade en tant que spécialiste de sa souffrance n'est pas courant ici. Je me rends vite compte que 2 patients sur 3 nous ont été envoyés par le père Ricardo, prêtre et curé dans la paroisse du quartier dit industriel de la commune de Kadutu, et l'exorciste reconnu de l'église catholique romaine à Bukavu. Je découvre rapidement que je dois le rencontrer pour comprendre mon travail. L'autre jour, j'ai vu un psychologue rwandais qui m'expliquait que c'est pas évident, quoi. D'abord, je vois pas comment on peut soigner 3 millions de personnes, hein, quand même. Et deuxièmement, il faisait une remarque très judicieuse, et c'est en dehors des histoires de médecine traditionnelle ou occidentale ou autre, il disait, le problème chez nous, c'est que les soignants ont vécu la même chose que les soignés. Voilà, ça c'est la vraie question pour lui. Comment peut-on être un soignant efficace alors que soi-même on a assisté au massacre de toute la famille, par exemple? Ça c'est son problème. Il venait quand même chercher ici quelques outils occidentaux, des textes et des bouquins sur les traumas. Moi je pense que oui, je crois que la situation sociale a fait que les familles se déresponsabilisent très fort. Ça, c'est clair. Moi, j'ai connu une Afrique centrale où la famille, c'était quelque chose d'extrêmement fort. Il n'y avait pas d'enfants dans les rues comme on en voit aujourd'hui. Ça n'existait pas. Maintenant, quand on parle de sorcellerie, le grand problème, en tout cas, parce que moi je ne connais jamais qu'un aspect de ces choses-là, c'est-à-dire que je me suis vraiment, j'ai focalisé beaucoup sur ces, sur le problème de ces enfants qu'on accuse de sorciers. Il est évident ces accusations sont extrêmement négatives. Ce ne sont pas des enfants qui sont susceptibles de pouvoir amener la guérison de quelqu'un ou un truc dans le genre. Non, ce sont des enfants qui font du tort autour d'eux et qui peuvent causer la mort de quelqu'un, qui peuvent faire perdre le travail d'un proche, qui peuvent amener des maladies, des choses comme ça. Donc ces enfants, ils sont rejetés. Mais ils sont rejetés quand ils ne sont pas torturés ou tués, hein. Ils sont rejetés, c'est-à-dire qu'on les retrouve, à la rue. Mais la sorcellerie, dans ce qu'elle a de positif, je crois qu'elle ne subsiste plus vraiment que hors des villes, me semble-t-il, hein. Moi, je n'ai pas assisté. J'ai vu un anti-sorcier pratiquer des ensorcellements, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je crois que c'est un anti-sorcier qui se pose dans le rôle d'un pasteur autoproclamé, puisque ce sont les pasteurs, généralement d'église de réveil, qui proposent ces désensorcellements d'enfants dits sorciers. Mais la sorcellerie, dans ce qu'elle peut avoir de positif, moi, j'avoue que j'y ai pas été confronté du tout, vraiment pas. D'abord, il faut dire que la pensée africaine, enfin les pensées africaines, même si je généralise un petit peu, par rapport à un événement qui a fini dans une société, à un individu dans une société très collective, c'est assez particulier. Ça veut dire que dans une société communautaire ou collectiviste, hein, pourquoi pas, l'individu n'est pas absent. Parce qu'on a parfois eu tendance à dire ça. Or, quand il arrive quelque chose à un Africain, la première question qui va se poser, c'est pourquoi ça m'arrive à moi ? En réaction à la communauté à ce moment-là, et puisqu'on est dans un système de persécution, la question suivante, c'est est-ce qu'on a voulu me viser moi, ou est-ce qu'on a voulu viser la famille et c'est tombé sur moi. Donc le fait que les sorts viennent de l'extérieur, que les esprits viennent de l'extérieur, que la sorcellerie vient de l'extérieur, n'est pas du tout une déresponsabilisation. Au contraire, non seulement la personne qui est atteinte, et qui peut être ce qu'on appelle chez nous le patient désigné, est là, forcément, c'est lui qui va au départ avec une plainte, mais ça concerne tout le groupe. Hein. Donc moi, je ne trouve pas qu'il y ait une responsabilisation. Le père Ricardo vit et officie à Bukavu depuis des dizaines d'années. Il n'imagine pas de retourner dans son Italie natale. Il est adopté et il a adopté le Congo. Ici, il est très connu. Certaines personnes marchent plusieurs jours pour le consulter. Car si bien sûr il donne la messe chaque jour, sa cour comporte trois longs bancs à l'ombre, permettant à une trentaine de personnes d'attendre leur tour. Il me reçoit dans une vaste pièce fraîche et sombre, autour d'un bureau. Jouxtant le bureau, se trouve un lit ressemblant fortement à une table de consultation de médecin. Autour de la tête du lit, je distingue Bible, bénitier, croix, eau bénite et buis. Il me demande de ne rien enregistrer et est un peu méfiant de mes questions, ou plutôt de ma curiosité. Mais parce que je travaille avec des personnes qu'il m'a finalement envoyées lui-même, il tente de m'aider à comprendre. On m'a déjà raconté, en tout cas je n'ai jamais expérimenté moi-même, des maisons qui s'effondraient parce que Satan l'habitait ou quelque chose dans ce genre-là, même pas Satan, mais les forces du mal, enfin, c'est encore plus vague. On m'a rapporté toute espèce de choses de ce genre. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Le démon est toujours actif. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose que même, donc, au creux de la théologie chrétienne, aujourd'hui, on fait semblant, ici en Europe, de vouloir tout rationaliser, y compris le démon. Enfin, ça, c'est de la rigolade, tout le monde sait bien ça. Il y a des trucs qui ne s'expliquent pas simplement par une déformation de la raison humaine. Il y a des trucs, le problème, la problématique du mal est plus profonde que ça. Pas simplement des dérives, hein. Donc, il y a des trucs qui ne vont absolument pas. La mort, pourquoi? Donc, C'est intéressant de se poser la question, pourquoi est-ce que je vais à la mort? Pourquoi? Donc, et pourquoi est-ce que... Donc, des faits de ce genre, on peut dire, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, et il crée la mort, alors. Non, c'est pas possible. Donc, alors on fait intervenir une médiation qui est le péché. Ben, le péché, c'est justement refuser la responsabilité. C'est ça le péché. Le péché, c'est refuser de faire confiance à Dieu ou à son délégué, à Jésus-Christ. Ou... La sorcellerie est la manifestation populaire, j'oserais dire, là-bas, hein, je parle de là-bas, que j'ai pu, qu'on m'a décrit, parce que tout le monde parle de ça tout le temps. Donc. Mais c'est la manifestation de la présence du mal, mais chez nous, la présence du mal est tout aussi mauvaise, mais elle prend d'autres formes. Hein. Il m'explique que son travail consiste à se tourner vers l'intérieur de l'homme pour en comprendre l'aspect extérieur. Que l'exorcisme n'a que des conséquences positives, quand il est effectué dans les règles et par un prêtre reconnu. Il me dit que les évangiles sont actuels pour le croyant, dans sa culture et dans ses traditions. Il me rappelle que les possessions ont toujours existé, mais que depuis l'Inquisition, l'Europe développe une attitude négationniste face à cette évidence. Il m'explique que la base de sa pratique est un travail de distinction. Dans ce contexte de guerre et de perte de tradition, nous assistons en République démocratique du Congo à une explosion des croyances. La mentalité africaine ne voit pas comme évidente la notion de cause extérieure d'une maladie. Elle va chercher dans le milieu un lien avec un événement ou une personne. Le père Ricardo emploie l'expression « mentalité du milieu ». Il s'insurge contre l'apparition d'un nombre incalculable de sectes profitant de cette mentalité pour accuser voire torturer des personnes innocentes. Nous parlons de cette problématique des enfants accusés de sorcellerie. Il accuse les États-Unis et nomme le président Bush comme source budgétaire et politique de cette montée en puissance des sectes évangélistes. Je pense personnellement que le problème est forcément plus compliqué. Mais il me parle encore de la technique de la haine, du conflit intrafamilial, du problème des marâtres. Il se plaint du manque de contrôle de l'État congolais, comme de l'attitude du clergé local qui, par peur de dénoncer ses abus, fait croire au sous-développement mental. Il parle de corruption mentale et affective, de corruption de la conscience humaine. Que l'Église s'est laissée dominer par le politique, je comprends par les dollars. Mais il croit fermement que la vraie prière a son pouvoir de réconciliation et que l'Évangile a un pouvoir de vérité qui permet de gagner la confiance de populations brisées au sein d'une société particulièrement manipulée. Là, une vraie religion peut beaucoup aider à sortir de la peur, de la peur, non pas la peur de l'adversaire repérable qui vient avec ses voitures et ses mitraillettes, etc. Donc ça c'est, bon là, la religion n'est d'aucun secours, mais par contre, vis-à-vis des affabulations, des constructions de l'esprit pur et simple, qui sont des interprétations à partir de choses dommageables, comme tu dis, y compris, et qu'il y a alors une atmosphère générale de peur, où on a peur de tout le monde et de tout. Et chez nous, c'est connu comme maladie mentale, ça. Hein? Pour moi qui me pense profondément et clairement agnostique, cette approche me trouble. Elle est évidemment constructive, puisqu'elle amène nos patients à bon port. Ce sont mes premiers pas dans la religiosité congolaise. Disons plutôt que je viens d'y sauter à pieds joints et que je m'apprête à y nager entièrement. De fait, une peur collective crée un amalgame, mais pas vraiment un vrai groupe. Il faut travailler les représentations liées à la peur pour que ce qui fait ça devienne une vraie solidarité, pas une solidarité de troupeau. Effrayé, par contre, c'est pas très bien la menace. Donc c'est un travail. C'est vrai que reconnaître mutuellement dans un groupe les peurs qu'on a, ça crée souvent une solidarité forte. Parce que chacun avoue sa faiblesse, et une fois la faiblesse avouée, on se sent plus fort, en fait. Il y a une sorte d'effet comme ça, paradoxal. Donc, à grande échelle, évidemment, les peurs partagées peuvent être d'abord fondées objectivement, mais également, il y a parfois on peut aussi faire la part des choses qui sont imaginaires, gonflées, entretenues souvent par de l'idéologie, soit de l'adversaire, soit interne. Et donc, on peut travailler la peur, l'élaborer, c'est ce qu'on fait dans une psychothérapie, en fait. C'est souvent de faire la part des choses entre ce qui est imaginaire et ce qui pourrait être plus fondé dans la réalité grâce à un travail de parole. Ça, c'est notre outil minimal, c'est la parole qui peut faire la passion où chacun assume sa responsabilité. Mais par rapport à l'avenir, on a l'impression que le monde va très vite, que les choses vont vraiment vite, tellement vite que... On peut aller jusqu'à atteindre un tourbillon. Le vertige, ce n'est pas loin de nous. C'est ça. Il y a aussi des découvertes. Des découvertes qui font que quand il y a un problème, il y a aussitôt une solution pour résorber, pour résoudre. Donc, il y a tout un équilibre. Il y a le yin et le yang, le noir et le blanc. Ça s'équilibre, ça marche comme ça, le haut et le bas. Bon, j'espère que la vie, c'est comme ça. Elle est faite des hauts et des bas et nous allons continuer. Là où il y a problème, on va trouver des solutions et ces mêmes solutions vont aussitôt créer d'autres problèmes et nous allons encore chercher des solutions. C'est comme ça que la vie continue. Présent, souvenir, un film sonore, un projet, un rêve, un voyage, de Caroline Michonnerard, avec Monde dans ma bulle production. Réalisé grâce au fonds d'aide à la création radiophonique de la communauté française de Belgique. Vous avez pu entendre Jacques van der Biest, Jean Florence, Philippe Wojcik, Roland Maoden, Alfred, Thomas et Anselme de Search for Common Ground à Bukavu, Germaine de Goma, le groupe Chemchem de Kantévé et les personnes déplacées rencontrées à Massissi en octobre 2007. À tous, merci. Vous m'avez tellement donné.